Man 2013 à NYKM Pete Morgan. Et ça fait, yeah. Je claquerai bien tout pour aller faire un tour en Guadeloupe. Toi ouvrant sur la route, voyant le jour se lever sans avoir le souci. Pensez assez à ça, je parle pas d'une vie de pacha, de bitch à poil, juste un petit appart et de là où il a cramé. Depuis les classes de primaire, je rêve de me barrer, j'ai déjà tapé deux trimestres. La prochaine serait telle année, ouais ouais. On verra bien, pour moi de quoi sera fait le destin. Un festin de joie ou un raté qui rêvait d'être médecin. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Pour ma part, j'aime bien assembler des samples, y rapper mes pros, gosse, la vie est simple. La vie est rose, puis tu grandis, comprends que tout ne tourne qu'autour de billets morts. Renforce les gens, en deviennent pauvres d'esprit. Douce, t'as envie de me retirer de temps en temps. Elle aimera fraîchir, acheter le billet sans le retour. Un aller simple, sans souci dans la soupe. À l'arrivée, je souris sans la gousse. Yeah, comme un rêve éparpillé en verre par milliers. À l'idée de prendre le large, je dois prendre le cash. Et ce, avant de prendre de l'âge. Je hisse et tends les voiles, je me casse. Un jour je le dirai, mais en attendant je taffe. Comme un rêve éparpillé en verre par milliers. À l'idée de prendre le large, je dois prendre le cash. Et ce, avant de prendre de l'âge. Je hisse et tends les voiles, je me casse, un jour je le dirai, mais en attendant je taffe. Hey yo, l'école faut l'assumer, je t'avoue que moi j'ai trop saturé, je vivais au jour le jour et on parle d'efforts sur la durée, je riais. À l'époque, ces profs me l'assurent et me disaient direct, t'as les toffes pour tuer l'école, tu l'étouffes dans la fumée de spiff d'herbe. Je kick sec, me rappelle du temps, je m'initie aux substances illicites, elle est pas difficile, ça pue le cancre. Car quand je séchais les cours, bah j'étais où? Dans les rues en train de péter des gousses, écrire et peaufiner mes coups, je me défoule comme Rocky en scratch, je prenais de la force de frappe. Mais pour la school, ma volonté, mes ambitions s'essoufflent. Petit rookie que je suis en classe, nargué le prof de maths. Toute la journée foncée, je niquais la routine. Et les condés grondés que par le daron genre. Casse-toi si tu veux roupiller mon grand. Faut que tu taffes au max et vite si tu veux full billet. La glande, tu peux l'oublier. Qu'est-ce t'attends si tu souhaites un jour te barrer? Compte pas tes pas comme un baron. La vie c'est pas que se marrer. Graille un plat de pâtes après une grasse match. Pompe ma malbac, en vérité mani, je suis mal barré. Je fume et je fais de la musique, un peu comme Bob Marley. J'y sers trop de face, taré, reste chill comme un Rastafari. Un moment seul, un peu de son, me voilà comblé. Tu t'es trompé ce coup-ci si tu croyais me contrer. Je démarre en trompe et que je puisse tomber. Mais gros, c'est pas le souci, sans froncer les sourcils, je repartirai la tête haute, le torse bombé. Et crois-moi, si je te dis que de mes potes, je peux être fier. Même si parfois, ça fait Xbox, bleu et bière en à fond. Je te montre qui est le patron sous votre canon. L'alcool et moi, gros, c'est hardcore comme baiser une lope. Ça sent vodka, ta rodka en podcast. Un sauvage sur une grosse vache, laissé dans une même chambre, genre une bonne femme Estroscan. Mes potes sont les seuls hommes que j'aime, mais on se le dit pas car on n'est pas pédé. C'est quand l'un d'entre nous part qu'on commence à regretter. J'ai peur d'avoir le cœur écorché, connaître la perte d'un proche. L'esprit sont marqués par la tristesse, yeah. Des pleurs. Comme un rêve éparpillé en verre par milliers. À l'idée de prendre le large, je dois prendre le cash. Et ce avant de prendre de l'âge. Je hisse et tends les voiles, je me casse. Un jour je le dirai, mais en attendant je taffe. Comme un rêve éparpillé en verre par milliers. À l'idée de prendre le large, je dois prendre le cash. Et ce avant de prendre de l'âge. Je hisse et tends les voiles, je me casse. Un jour je le dirai, mais en attendant je taffe.